La Bible David Martin 1855. Épître de Saint Jacques. Jacques chapitre 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui êtes dispersées, salut. Mes frères, regardez comme un sujet d'une parfaite joie, quand vous serez exposés à diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience ait une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, de sorte que rien ne vous manque. Que si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne à tous libéralement, et qu'il ne la reproche point, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, ne doutant nullement, car celui qui doute, est semblable au flot de la mer, agité du vent, et jeté çà et là. Or, qu'un tel homme ne s'attende point de recevoir aucune chose du Seigneur. L'homme double de cœur est inconstant en toutes ses voies. Or, que le frère qui est de basse condition, se glorifie en son élévation, et que le riche, au contraire, se glorifie en sa basse condition, car il passera comme la fleur de l'herbe. Car comme le soleil ardent n'est pas plutôt levé, que l'herbe est brûlée, que sa fleur tombe, et que sa beauté périt, ainsi le riche se flétrira avec ses entreprises. Bienheureux est l'homme qui endure la tentation, car quand il aura été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que Dieu a promise à ceux qu'il aime. Quand quelqu'un est tenté, qu'il ne dise point, « Je suis tenté de Dieu ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et aussi ne tente-t-il personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, quand la convoitise a conçu, elle enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Mes frères bien-aimés, ne vous abusez point. Tout le bien qui nous est donné, et tout don parfait, vient d'en haut, descendant du Père des Lumières, en qui il n'y a point de variation, ni d'ombre de changement. Il nous a, de sa propre volonté, engendrés par la parole de la vérité, afin que nous fussions comme les prémices de ses créatures. Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, et lent à la colère. Car la colère de l'homme n'accomplit point la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure, et toute superfluité de malice, recevez avec douceur la parole plantée en vous, laquelle peut sauver vos âmes. Et mettez en exécution la parole, et ne l'écoutez pas seulement, en vous décevant vous-même par de vains discours. Car si quelqu'un écoute la parole, et ne la met point en exécution, il est semblable à un homme qui considère dans un miroir sa face naturelle. Car après s'être considéré soi-même, et s'en être allé, il a aussitôt oublié quel il était. Mais celui qui aura regardé au-dedans de la loi parfaite, qui est la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant point un auditeur oublieux, mais s'appliquant à l'œuvre qui lui est prescrite, celui-là sera heureux dans ce qu'il aura fait. Si quelqu'un entre vous pense être religieux, et il ne tient point en bride sa langue, mais séduit son cœur, la religion d'un tel homme est vaine. La religion pure et sans tache, envers notre Dieu et notre Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et de se conserver pur des souillures de ce monde.